je chanterai, je ferai résonner ta gloire. Réveille-toi mon âme, harpe et lyre, je veux éveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples. Je te sais.